Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Il est 22h, vous êtes à l'écoute de Prune et c'est l'heure de Boum Momo. Et cette semaine, c'est encore Vincent, aka Aimé Jockey, qui passe derrière les platines avec une sélection assez originale pour Boum Momo. Jugez donc du folk, du folktrad, du prog rock et du jazz funk. Il nous avait prévenu dès la première émission de la saison de sa nouvelle passion pour ses sonorités traditionnelles. Il a été au bout de son idée le mois dernier pour son podcast pour Radio DY10, que l'on rediffuse donc ce soir sur Prune. Ne soyez pas surpris, il y aura de la vieille à roue, de la vielle à roue, oh là là, c'est pas la même chose, des bombardes, de la flûte et du violon partout pendant une heure. C'est un mix qui s'articule principalement autour des musiques de Nantes, de Bretagne et de Vendée. Mais Vincent nous fait aussi un rapide détour par l'Auvergne. Bon voyage à toutes et à tous. C'est Jonas qui était au micro et j'écoute avec vous la sélection de Vincent. Et je vous dis à très vite. Ciao les petits loups. Thank you. fus averti que ma maîtresse avait changé d'amis. C'est par un beau lundi que je fus averti que ma maîtresse avait changé d'amis. Tout aussitôt, je me suis transporté dans sa maison pour savoir sa pensée. Bonjour joyeux chéri, bonjour joyeux chéri, je voudrais savoir qui aura votre amour. Bonjour joyeux chéri, bonjour joyeux chéri, je voudrais savoir qui aura votre amour. Je voudrais savoir qui aura votre cœur pour soulager mes peines et mes douleurs. Si j'avais su la belle, je t'aurais pas donné, je n'aurais pas tant d'argent dépensé. Si j'avais su la belle, je t'aurais pas donné, je n'aurais pas tant d'argent dépensé. Je n'aurais pas dépensé tant d'argent à bavarder avec toi tes parents. Si tu l'as dépensé, c'est que tu l'as bien voulu. Combien de fois je te l'ai défendu. Si tu l'as dépensé, c'est que tu l'as bien voulu. Combien de fois je te l'ai défendu. Combien de fois je te l'ai dit souvent, retire-toi, galant, tu perds ton temps. Si j'ai perdu mon temps, mes peines et mes tourments, j'ai eu aussi des moments d'agrément. Si j'ai perdu mon temps, mes peines et mes tourments, j'ai eu aussi des moments d'agrément. J'ai eu aussi des moments de plaisir divertissant sur le bord de ton lit. Sur le bord de ton lit, ma très chère bien-aimée, après avoir tant de fois rigolé. Sur le bord de ton lit, ma très chère bien-aimée, après avoir tant de fois rigolé. Le verre en main pour passer mon chagrin. Hélas, mon Dieu, c'est pour te dire adieu. le chalutier qui gonfle le quai, le silence est venu dormir. Délaissant la croix de fatigue, les matelots se sont couchés. Leurs cauchemars vont tirailler les anneaux ferrés des hamacs. Une odeur de chien mouillé flotte sur la marée des bouchons noirs, dont l'océan n'a pas voulu. Le port est un cimetière oublié. Il ne reste plus de vivants sur le chalutier travaillé par le lointain gonflement de la houle, un factionnaire indifférent. Sur les amarres trop tendues, l'inquiet cheminement des rats fait par moments crier des mouettes. Sur le chalutier qui gonfle le quai, le silence est venu dormir. agite le feu. À chaque fois, on voit grandir la foule de ceux qui vont comme des miséreux. Il viendra bientôt le jour, nous ôterons notre masque, nous danserons au grand jour, et du vieux monde, on fera un grand feu. S'agite le feu, à chaque fois on voit grandir la foule de ceux qui vont comme des miséreux. Il viendra bientôt le jour, nous ôterons notre masque, nous danserons au grand jour, et du vieux monde en fera un grand feu. S'agite le feu, à chaque fois on voit grandir la foule de ceux qui font comme des miséreux. Il viendra bientôt le jour, nous ôterons notre masque, nous danserons au grand jour, et du vieux monde on fera un grand feu. We'll be right back.